Chapitre 12 Les dangers suprêmes, janvier et février 1536. 9-12 Médicis châtelain de Musso. Il reçoit charge de détruire Genève. Berne se décide à secourir Genève. Negelli prépare l'armée. Le réformateur Haller la bénit. Marche et chant de l'armée. Misère à Genève. Prise de Versoix par Genève. Changement dans la politique européenne. Combinaison des princes. L'évêque de Lausanne veut s'opposer aux Suisses. Médicis et Negelli en présence. Le cœur manque à Médicis. Pourquoi ? Il s'embarque. Débâcle générale. Puissance de la force morale. Les seigneurs du pays ne s'arment pas. Ménager le peuple, abattre les châteaux. François et Marguerite de Gingin. Le vicaire général de Gingin caché à Divonne. Negelli partage son armée en trois corps. Entrée des Suisses dans Genève, leur chant, les jeunes voix donnent à Dieu la gloire. Le duc de Savoie s'apprêtait à porter à Genève des coups plus décisifs. Il voulait satisfaire l'ambition antique de sa maison et écraser une ville que l'on disait appelée à détacher de Rome les populations placées autour d'elle. Il était en cela excité par son épouse, la portugaise Béatrix, animée de ce fanatisme religieux qui distingue en général les femmes de la péninsule ibérique. Les villes d'Asti, d'Ivrée, de Vercelles étaient tombées dans les mains de la maison de Savoie, et Genève devait subir le même sort. Le moment semblait favorable, Charles Quint s'apprêtait à détruire le protestantisme. Des lansquenets, levés par le frère de cet empereur, arrivaient de l'Allemagne, et l'armée que Charles lui-même ramenait d'Afrique se dirigeait vers les Alpes. On écrivait à Berne que l'empereur et le duc commenceraient par soumettre Genève, puis la Suisse réformée, puis enfin l'Allemagne luthérienne. Ainsi, l'asservissement de la ville des Huguenots faisait partie d'un plan général. Le puissant monarque, dans les états duquel ne se couchait jamais le soleil, avait résolu d'abolir la réformation en commençant par cette cité. Charles III avait compris que ce qui avait paralysé ses efforts, c'était la faute qu'il avait commise en n'envoyant pas contre la ville huguenote des troupes régulières et disciplinées. Il résolut donc d'en choisir de telles et de leur donner pour chef un des plus hardis capitaines du siècle qui marchait accompagné du pillage et de la dévastation. Un homme de bas état qui s'était fixé à Milan avait acquis par son industrie une petite fortune. Cet Italien, Bernardin Médicis, nom qu'il ne faut pas confondre avec celui des Médicis de Florence, avait deux fils, Jean Angelo, qui devint pape sous le nom de Pie IV, et Gian Giacomo, jeune homme téméraire, entreprenant, fourbe, cruel, d'une ambition insatiable, et qui se voit à la guerre. Envoyé au château de Musso, sur le lac de Côme, par le duc de Milan, avec une lettre qui chargeait le châtelain de mettre à mort le porteur, le rusé Gian Giacomo avait ouvert la lettre, rassemblé quelques compagnons, s'était emparé du château et s'en était fait une petite principauté, qu'il avait augmentée peu à peu en se jetant avec fureur sur les contrées environnantes de la Valteline, du Milanais, de l'État de Venise et même des Grisons. Les Suisses, ayant Negelli à leur tête, marchèrent contre ce chef de brigands et détruisirent son repère. Dès lors, ce hardi flibustier avait porté ailleurs son impétuosité et ses dévastations. Des terres de la Suisse romande du côté du Jura avaient été ravagées par lui. Ce fut cet Attila au petit pied que Charles III choisit pour le mettre à la tête de la guerre contre Genève. Il ne s'agissait pas seulement de prendre cette ville, mais de la mettre hors d'état, de relever à jamais la tête, de la détruire. Gian Giacomo était l'homme pour cela. Plus tard, Charles Quint, désirant l'employer contre la réformation allemande, le nomma marquis de Marignan et le mit à la tête de son artillerie dans sa campagne contre les luthériens. Pour le moment, ce n'était pas Wittenberg, mais Genève que Médicis devait ruiner. Le duc de Savoie mit son général à la tête d'une armée dans laquelle se trouvaient 4000 soldats italiens, plus des Savoyards et des Espagnols, hommes beaux, forts, vieux soldats pour la plupart. Un nombre considérable d'hommes d'armes de toute la vallée du Léman était appelé à se joindre à Médicis et devait ainsi doubler, tripler ses forces. Le frère guerroyant du futur pape Pie IV, appuyé par de grands princes, le duc de Savoie et l'empereur lui-même, ne doutait pas de la victoire. Il se mit en route par la vallée du Léman. Le danger était grand, mais tout était-il perdu ? N'y avait-il pas dans Genève une puissance qui ne s'était trouvée ni dans Versailles ni dans Asti. Il semble n'exister aucun moyen pour évader des mains de nos ennemis, disaient des jeunes voix pieux, mais notre espoir est en Dieu, qui ne laissera pas blasphémer son nom par les infidèles. Berne avait longtemps fermé l'oreille aux cris de Genève. Baudichon de la Maisonneuve s'y était rendu pour signaler l'extrémité à laquelle sa patrie était réduite. Au moment où le péril devenait le plus grand, l'ours se réveilla et s'apprêta à descendre de ses montagnes. Les mobiles politiques furent sans doute pour quelque chose dans la décision des conseils. Dès la guerre de Bourgogne, le pays roman avait attiré les regards de cette puissante république. Elle avait contracté plus tard des traités de combourgeoisie avec Genève et avec Lausanne, et quand elle vit le roi de France rassembler une armée qu'il dirigeait vers les Alpes, elle craignit que ce prince ne prît les devants. Mais les sollicitations de Baudichon de la Maisonneuve, la voix de la bourgeoisie bernoise qui était pour l'indépendance et la réformation, eurent, après Dieu, la plus grande part dans la résolution de cet état. Le conseil bernois adressa au peuple une proclamation où, exposant les dangers de Genève, il disait « Cette affaire touche avant tout à la gloire de Dieu, mais ensuite à la nôtre. Nous sommes prêts, répondit le peuple, à sacrifier nos biens et nos vies pour le maintien de la foi et de nos serments. 20 000 hommes demandèrent à partir. Le changement qui alors s'opéra dans les conseils de Berne était si inattendu qu'il fut généralement attribué à une direction de Dieu. Berne, poussé par une inspiration divine, s'ébranle, écrivait un bernois pieux à Bullinger, successeur de Zwingli à Zurich. Et l'excellent genevois Porol disait plein de joie « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que tu as inspiré à nos combourgeois de nous donner aide et secours. » Un héros porta le 16 janvier au duc de Savoie la déclaration de guerre à feu et à sang. François Negelli était universellement désigné pour commander l'entreprise. Chrétien décidé, capitaine éprouvé, négociateur habile, il était adoré de ses soldats qu'il appelait « Notre France ». Sur les 20 000 hommes qui se présentaient, il en prit 6 000. Il donna 2 ordres, une arme nouvelle succédait alors aux hallebardes et aux larges épées, les arquebuses lançaient des balles qui frappaient invisiblement l'ennemi. Negelli voulut avoir l'avantage de cette arme, apporter des bâtons à feu, dit-il. De plus, il exigea une stricte discipline. Soyez rangés, justes, bons pour le paysan, autant qu'intrépides au combat. Il y avait dans Berne un autre homme qui, autant que Negelli, avait à cœur la cause de Genève. Le réformateur Berthold Haller, accablé de maux, n'avait plus que quelques jours à vivre. Toutefois, l'armée, avant de quitter Berne, voulant invoquer publiquement le secours de Dieu, Haller se leva péniblement de son lit de mort et, soutenu par ses amis, se traîna en chancelant jusque dans la chaire de la cathédrale. Cet homme si doux, si timide, qui avait une défiance si grande de lui-même, montrait aux approches de la mort une énergie qui lui avait été jusqu'alors étrangère. « Homme de Berne, dit-il d'une voix presque éteinte, soyez fermes et courageux. Magistrats et peuples, capitaines et soldats, demeurez fidèles à la parole de Dieu. Honorez l'Évangile en vous comportant justement et poursuivez inébranlablement pour l'amour de Dieu votre dessein d'arracher à la destruction qui les menace nos pauvres frères de Genève jusqu'à cette heure tristement abandonnée des hommes. Alors, levant ses mains tremblantes vers le ciel, Haller les étendit au-dessus de l'armée silencieuse et s'écriant « Que Dieu remplisse vos cœurs de foi et qu'il soit lui-même notre consolateur. Toute l'armée, tout le peuple, soit dans l'église, soit dans la ville, soit dans le canton, et même jusque dans les hautes vallées où sont les glaces éternelles, répéta cette parole, la dernière que le réformateur devait prononcer en public et qui devint le mot d'ordre de cette sainte guerre. Le samedi 22 janvier, 6 000 hommes sortaient de la ville, marchant d'un pas ferme, non sous leur drapeau particulier, chaque ville avait alors le sien, mais sous le seul étendard de Berne, symbole à la fois de force et d'unité. 100 cavaliers et 16 pièces de canon accompagnaient les fantassins. Tous portaient la croix blanche sur champ rouge. Le signe antique des croisés était leur seul uniforme. La parole de Haller avait porté des fruits. Ces enfants des montagnes allaient au salut de leurs frères avec enthousiasme et avec foi. Le noble Negelli chevauchait en tête. Il voulait faire de la belle vallée du Léman une contrée helvétique et évangélique. Il était sérieux et silencieux, car il méditait les moyens de délivrer Genève complètement, mais en répandant le moins de sang possible. Les soldats marchaient après lui, dispos, joyeux, au milieu d'une foule d'hommes, de femmes, d'enfants, accourus des villages d'alentour, et ces hardis helvétiens, levant la tête, faisaient retentir leurs chants de guerre. La chronique de la vieille Suisse nous les a conservés. Peuple, faites silence, et vous, compagnons d'armes, venez tous entonner, répéter mes chansons. L'ours a quitté son antre, il descend de nos monts. Il sème à travers champs de terribles alarmes. Son cœur est intrépide et ses pas acharnés pour sauver de la mort, pour arracher aux larmes ceux que le monde avait abandonnés. Ours vaillant, mon bon ours, Dieu t'a rendu la vie. Le pape te tenait à sa main enchaîné et partout fièrement t'a longtemps promené. Christ a brisé ta chaîne, a détruit ta folie, a fait lever pour loi ta lumière du jour. D'enfants nombreux, joyeux, ta caverne est remplie. Dieu t'a montré son merveilleux amour. Courage, ours de nos monts, marche, lève la tête. À qui veut l'arrêter? Malheur, malheur, malheur. Malheur à qui ne t'aime, au lâche qui prend peur. Quand de Rome, il nous faut accomplir la conquête, contre le grand menteur vaillamment guerroyé, nourrir des cafards et détruire la bête que tous tes saints refusent d'adorer. Je t'attends sur nos monts quand, après la victoire, tu reviendras orné de lauriers glorieux. Je te pèterai, mon ours, au sein des parcs herbeux, aux eaux de mes glaciers, je te mènerai boire, je calmerai tes sens, j'égaillerai ton cœur. Qui combat pour ta foi trouve à la fin la gloire, et le grand Dieu du ciel couronne le vainqueur. L'armée atteignit dès le premier jour le champ de bataille de Moran, que les soldats saluèrent avec enthousiasme. Les contingents de Bienne, Nidau, La Neuville, Neuchâtel, Valangin, Châteaudet, Gesnay, Payerne, pleins d'affection pour Genève et pour la Réforme, joignirent les drapeaux dans cette dernière ville. La voyée de Watteville y passa cette belle armée en revue le 24 janvier et reçut ses serments. Genève présentait alors un moins brillant spectacle. La famine qui depuis plusieurs mois désolait la ville se traînait comme un fantôme hideux dans toutes les rues et effrayait les enfants, les femmes, les hommes même. Le froid, les maladies, suites inévitables du dénuement, remplissaient les maisons de souffrances et de deuils. Ces adversités étaient comme un torrent sauvage qui brise tout ce qu'il touche. Les courageux même commençaient à s'abattre. Sur ces entrefaites arriva un Bernois, chargé de deux messages. L'un, sur papier, lui avait été donné pour détourner les soupçons, dans le cas où il serait saisi par le gouverneur de Vaud. C'était la demande de délivrer Furbiti. L'autre message devait être fait de bouche. « Tenez-moi ici prisonnier, dit le Bernois, et me faites mourir, si messieurs de Berne ne partent avec leur armée pour vous secourir. » Les Genevois ne pouvaient croire cet homme. « Dans 3 jours, ajoutait-il, vous verrez brûler les châteaux du pays. Ce sera le signe de la venue de Berne. » Quand on ne douta plus de l'arrivée des libérateurs, la population genevoise, longtemps angoissée, respira et se releva. Les hommes les plus énergiques ne voulurent pas attendre que leurs alliés fussent arrivés. Versoix, place importante du duc, pouvait arrêter l'armée bernoise. 80 Genevois montèrent sur des barques, l'attaquèrent du côté du lac, mirent en fuite par le feu de leurs canons les soldats de la Savoie et pénétrèrent dans la place. Les greniers étaient remplis de blé, les caves de vin, les étables de bétail. Ce fut pour ces citoyens affamés comme la scène du camp des Syriens aux portes de Samarie. Les Genevois transportèrent en hâte dans leur barque tout ce qu'ils purent enlever, et rentrant à Genève, ils étalèrent leur butin sur la place au milieu d'une foule immense. Le blé, l'orge, les bestiaux se vendaient à vil prix. Chacun accourait, achetait, tous se réjouissaient de ce secours inattendu, et pourtant de grands dangers menaçaient alors Genève. Berne, il est vrai, venait à son secours. Mais il fallait plus que cela pour sauver cette ville. Le projet de l'empereur, on le savait, était d'écraser la réformation qui s'opposait en Allemagne à sa souveraineté absolue. On disait que François Ier, attiré par l'offre de Milan, s'était montré disposé à laisser faire Charles Quint. Berne pourrait-elle résister à ce puissant monarque? Ne verrait-on pas les patriciens qui, plus d'une fois, s'étaient montrés assez froids à l'égard de Genève, revenir à leurs anciens accommodements et atermoiements? Un grand changement dans les rapports et les projets des princes pouvait seul, à ce qu'il semble, sauver cette cité. Or, il se passa en ce moment une suite d'événements qui transformèrent tout à coup l'aspect politique de l'Europe. Catherine d'Aragon, tante de Charles Quint, meurt. L'empereur, en conséquence de cette mort, renonce à envahir l'Angleterre et garde pour lui le duché de Milan, qu'il avait offert au roi de France pour l'engager à s'unir avec lui contre Henri VIII. François Ier, traité par l'empereur comme un homme dont on ne fait aucun cas, jure qu'il en tirera vengeance. Mais pour atteindre Charles Quint et s'emparer de Milan, François Ier doit passer sur le corps du duc de Savoie, son oncle. Il n'hésite pas à lui faire ainsi connaître le peu de profit qui lui adviendra de ne l'avoir pas pour ami. Or, si le duc de Savoie, prince de Piémont, est rejeté par le roi de France au-delà des Alpes et plus loin encore, Genève est sauvée. À la vue du danger qui le menaçait, Charles III eût voulu revenir à son ancienne alliance avec son neveu. Mais l'influence de sa femme, qui l'avait fait entrer en cette danse, le tenait attaché à la cause de l'empereur. Dans l'embarras où il se trouvait, il prit une résolution qui n'était pas sans quelque habileté et qui rendait inévitable la conquête de Genève et son adjonction aux états de l'empereur. Charles III offrit à Charles Quint de lui céder en échange de diverses provinces italiennes les versants occidentaux des Alpes, tout ce qu'il tenait de pays depuis Nice jusqu'aux Ligues suisses, y comprenant Genève. En établissant la maison d'Autriche entre lui et la France, le duc se faisait un rempart infranchissable contre son inquiétant voisin et satisfaisait en même temps le goût de la maison de Savoie qui aimait à s'étendre du côté de l'Italie. En vertu de cet échange, les états de Charles Quint eussent bordé la France de tous côtés, de la Méditerranée à la mer du Nord. François fut effrayé. « Je ne permettrai pas à l'empereur, dit-il, de dresser contre mon royaume une telle échelle pour l'envahir par-ci après. » Toutes ses hésitations cessèrent et il se décida à accomplir sans retard le dessein qu'il avait formé d'envahir la Savoie, le Piémont et le Milanais. Ainsi, au moment où le duc se préparait à écraser la petite ville de Genève, il voyait se former tout à coup un orage qui devait à la fois le chasser des deux versants des Alpes et sauver la petite cité. Voyons si tel fut en effet le résultat de cette politique. L'armée suisse, commandée par Nageli, était partie le 24 de Payerne et arrivée le 25 à Échallens. De cet endroit, elle devait marcher sur Morges. Les contingents d'Orbe et de Lausanne, désireux de prendre part à la délivrance de Genève, vinrent augmenter ses forces qui furent ainsi portées à environ 10 000 hommes. L'évêque de Lausanne, Sébastien de Montfaucon, prêtre d'un caractère orgueilleux, intrigant, dominateur, enflammé de colère en voyant ses bourgeois se déclarer pour Genève, résolut de lever des troupes pour s'opposer à l'armée libératrice. Son bailli et son secrétaire se mirent à parcourir les rues étroites et montueuses de la ville, et heurtant de maison en maison, ils demandaient si l'on voulait être du parti de l'évêque ou du parti de la ville. Montfaucon lui-même partit pour son château de Glérolles, près de Saint-Saphorin, afin de soulever les habitants de Lavaux. Mais Nageli devait rencontrer dans sa marche un obstacle plus redoutable que l'évêque Montfaucon et ses soldats improvisés. Médici, informé de la marche de l'armée bernoise, s'était décidé à l'attaquer avant qu'elle fût arrivée à Genève. Il comprenait que si Nageli venait à s'établir dans cette ville, il ne serait pas facile de la prendre. Le commandant italien se dirigera donc sur Thonon et sur Évian. Il fera passer le lac à ses soldats, il livrera bataille aux Bernois et après les avoir battus, il se dirigera sur Genève, alors incapable de lui résister. Le caractère et les antécédents de ce condottieri dévastateur suffisaient pour faire comprendre le sort qu'il réservait à sa conquête. La ville eût été pillée, peut-être brûlée, conformément aux mœurs de Gian Giacomo. Ce chef redouté avait traversé le lac avec son armée sur les barques du Chablais et était arrivé près de Morges. Son intention était de donner une base solide à ses opérations, non seulement en étant maître de Morges, qui était à la disposition du duc, mais encore en s'emparant, avec le secours de l'évêque, de Lausanne, dont il savait la bourgeoisie libérale prête à se joindre à Nageli. Le 27 janvier au soir, un détachement partit à cet effet sous le commandement du sieur de Colonnais. Mais à peine avait-il fait quelques pas que Médicis aperçut des feux sur les hauteurs près des villages de Bussigny, Renan et Crissier. C'étaient les Bernois qui se préparaient à passer la nuit sur ces collines. L'ancien châtelain de Musso n'avait pas cru l'ennemi si proche. Il n'avait pas encore pris ses positions et déjà les Suisses paraissaient. Il fit rebrousser le détachement, et le lendemain matin de bonne heure, quelques-uns de ses cavaliers s'approchèrent pour reconnaître l'armée suisse et pour escarmoucher. Nageli, ne doutant pas que l'heure du combat ne fût arrivée, étendit sur les hauteurs de Morges son redoutable front de bataille. Tous ses hommes étaient pleins de feu. Medici voulait aussi disposer ses troupes au combat, mais il reconnaissait tout le désavantage de sa position. Tandis que Nageli était sur les hauteurs, les troupes savoyardes acculées au lac pouvaient y être jetées. Le général, envoyé par le duc de Savoie pour détruire Genève, contemplait avec étonnement l'armée des nouveaux croisés. Il se voyait en présence de ce valeureux Nageli qui, comme capitaine général des Ligues, lui avait pris son châtel de Musso et les autres terres qu'il avait volées par la ruse ou par le pillage. Ah, avait dit plus d'une fois le comte de Thierry, ce que ni l'empereur ni le roi de France n'ont pu faire, ce Suisse l'a fait. À la tête maintenant des troupes du Piémont et de la Savoie, et appuyé par Charles Quint, l'ancien châtelain de Musso s'était flatté de tirer vengeance de l'injure que jadis il avait endurée. Mais c'était le contraire qui arrivait. Au lieu de s'élancer à la tête de ses vieux soldats, il se troublait, il hésitait, il semblait que le cœur lui manquât. Pourquoi ? Serait-ce que la vue de l'armée de Berne en rende bataille l'intimida ? Serait-ce que les seigneurs de Vaud, de Gex, sur lesquels il comptait, se rappelant la valeur des Suisses à Gingin, n'avaient pas voulu s'exposer à recevoir une seconde leçon, et faisaient défaut ? Serait-ce que des renforts, attendus du côté de la Savoie, ne lui étaient point arrivés ? Serait-ce que de mauvaises nouvelles lui parvenaient de Chambéry, et lui apprenaient que le duc ne pouvait plus songer qu'à défendre ses états héréditaires contre le roi de France ? Tous ces motifs étaient pour quelque chose dans le trouble de l'ancien châtelain de Musso. Mais le dernier était le plus puissant. Quel chagrin pour Médicis ! Il s'était vanté de mettre fin à l'interminable existence de Genève, il faut qu'à la première rencontre il se retire. Il s'était fait une joie de détruire un nid d'hérétiques, et il ne peut s'opposer à ce que Nageli le sauve. Dans ce moment critique, l'un des plus téméraires capitaines du siècle semble devenir l'un des plus lâches. Il est des caractères qui, audacieux dans la prospérité, perdent la tête quand les chances leur sont contraires. La flottille sur laquelle le commandant des troupes de Savoie avait traversé le lac était à l'ancre, à quelque distance de Morges, du côté de Lausanne. Médicis abandonne le champ de bataille avant d'avoir combattu et monte sur ses barques avec une partie des siens, tandis que le reste entre dans Morges, ville fortifiée. Nageli, voyant que l'ennemi se retire, fait descendre sur le rivage l'avant-garde des Suisses. Le capitaine italien, voulant au moins brûler une amorce, fait tirer les canons de sa flotte sur les Bernois, qui tirent eux-mêmes contre les barques. Mais il n'était pas difficile à celle-ci de se soustraire à cette canonnade. Pendant ce petit engagement, les Italiens et les Espagnols réfugiés dans Morges, au nombre d'environ 700, furieux de voir le triomphe des protestants près de s'accomplir, se comportaient dans cette ville qui appartenait au duc, comme s'ils eussent été dans une cité ennemie. Ils se jetaient dans le château, dans les maisons, dans les églises même, pillaient tout et se livraient aux plus cruels outrages. Puis, ouvrant la porte qui était du côté de Rolles, la plupart d'entre eux s'enfuirent, les uns se sauvaient à course de chevaux et les autres se retiraient, dit Froment, en bataillant de l'épée à deux pieds. Médicis envoya une ou deux barques chercher dans Morges ceux des siens qui ne s'étaient pas encore enfuis et, prenant le large, fit force de voile vers la Savoie. On eût dit qu'un ange invisible de l'Éternel, comme au jour de Judas, avait mis en déroute les ennemis de la parole de Dieu. La débâcle était en effet générale. Une terreur panique avait saisi tous ces soldats. Les routes, la plaine, les sentiers de la montagne étaient couverts de fuyards. Les motifs qui avaient porté Médicis à se retirer n'étaient sans doute pas connus de ces soldats, mais il y avait une autre solution, une solution morale de leur fuite désordonnée. Ces bandes italiennes avaient passé les Alpes parce que leur chef leur avait promis de leur livrer Genève, dont la renommée exagérait fort les richesses. C'était un tout autre mobile qui animait les Suisses. Ils avaient quitté leurs montagnes et leurs vallées pour assurer dans Genève, en opposition au pape, à l'évêque, au duc, l'indépendance nationale et la liberté de la foi. Les Genevois eux-mêmes, dans la lutte opiniâtre qu'ils soutenaient depuis tant d'années, étaient poussés par les plus nobles mobiles. Or, les principes moraux donnent à une armée une énergie morale. à laquelle des bandes de pillards ne sauraient résister. Nul doute que les condottieri de Médicis ne fussent à plusieurs égards de meilleurs soldats que les pâtres des Alpes ou les marchands de la petite cité. Mais ceux-ci avaient une cause sainte à défendre. Leur regard suffit pour effrayer les banditi qui, renonçant à piller la cité ennemie, pillèrent des villes alliées et s'enfuirent à force de rames ou de jarrets. Le Conseil de Genève put inscrire, le 30 janvier, dans ses registres, ces paroles, 4 000, tant italiens qu'autres étrangers, qui s'étaient préparés à Morges pour la défense du pays, de Vaud, ne firent aucune résistance et s'enfuirent lâchement sans donner aucun coup. Cependant, Nageli pouvait rencontrer des adversaires plus redoutables que les Italiens de Médicis. Les seigneurs de tous les pays, compris entre les Alpes et le Jura, non seulement ceux de Vaud, mais de Gex, de Chablais et d'autres parties de la Savoie, étaient une véritable puissance. On ignorait alors le parti qu'ils pourraient prendre. Leur absence à Morges pouvait n'être que l'effet d'un retard. Ne verrait-on pas les prêtres soulever partout leurs paroisses et marcher à leur tête, comme 3 mois auparavant, lors de la bataille de Gingin? Si les chevaliers du Moyen-Âge s'unissent aux mercenaires du XVIe siècle, c'en était fait de Genève. Mais la victoire remportée à Gingin par 450 enfants de la Réforme sur 3 à 4 000 seigneurs et soldats avait, nous l'avons dit, répandu la terreur dans ces contrées. On se rappelait que 1 en avait mis 7 en fuite, que beaucoup de chefs étaient tombés sous les balles de ces fins arquebusiers, que 100 prêtres avaient mordu la poussière. Aussi, à peine quelques seigneurs eurent-ils l'idée de saisir l'épée, les prêtres restèrent muets et l'intrépide baron de la Sarra lui-même alla se cacher dans les murs d'Yverdon. Le véritable fait d'armes qui délivra Genève fut la victoire de Gingin, remportée par les libres amis de la Réforme. L'expédition officielle de Berne fut la marche triomphante qui en recueillit les fruits et en ceignit les lauriers. Cependant, Nageli, s'étant arrêté à Morges jusqu'au lendemain, fut réveillé au milieu de la nuit par ses gens alarmés. Les sentinelles du port entendaient dans le lointain le bruit que font des rames en frappant l'eau. L'ennemi revenait-il de sa voix avec des forces plus nombreuses? Chacun se taisait, le bruit se rapprochait, et bientôt une embarcation arriva. Elle eût pu être suivie de plusieurs autres, mais non, elle était seule, et apportait à Médicis des lettres, sans doute retardées. Tout fut saisi, et ses dépêches apprirent au général bernois que le comte de Cualand envoyait au commandant italien un renfort considérable en cavalerie et en infanterie. Nageli, croyant trouver sans doute ses forces près de Genève, se hâta d'aller à leur rencontre. Le matin du 30 janvier, il partit pour Roll. Aucun obstacle ne s'opposait à sa marche, gentilshommes et soldats s'en étaient allés en poussière. Les champs étaient déserts, les petites villes et les villages étaient vides, la terreur des Bernois avait balayé toute la contrée. Le général, d'accord avec ses chefs, s'était dit que ce serait une politique imbécile que de ne pas établir d'une main ferme la paix dans le pays, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Une autre pensée animait aussi les Bernois. Ils voulaient étendre les possessions des ligues helvétiques, les leurs propres, jusqu'aux rives du Léman. Or, tant que la force des seigneurs de Vaud, si fortement attachée à la Savoie, ne serait pas brisée, il y aurait de perpétuels soulèvements, et Berne ne pourrait se maintenir qu'avec peine. Nageli était persuadé que la force des cruels chevaliers de ces vallées était dans leurs repères. Pour détruire les loups, disait-il, il faut abattre leurs tanières. Les châteaux de Roll et du Roset furent réduits en cendres, et les Genevois, apercevant au milieu de la nuit des flammes dans le lointain, s'écrièrent « Ils viennent !» Nageli se remit en marche, ménageant les habitants, abattant partout les images. Passant près de Nyon sans l'attaquer, il se porta sur Divonne et sur Gex, positions importantes dont il voulait chasser l'ennemi avant d'entrer dans Genève. François de Gingin, seigneur de Divonne et du Châtelard, qui avait d'abord pris part au blocus de Genève, mais en avait retiré ses troupes lors des froids de décembre, s'était renfermé dans son château de Divonne, sur les hauteurs qui dominent ce village. Nageli voulait traiter, avec égard, ce seigneur, dont les ancêtres comptaient déjà au Xe siècle, parmi les grands vassaux des rois de la Bourgogne transjurane, et qui était doué d'un caractère aimable et d'un esprit pacifique. Élevé par son oncle maternel, le comte de Gruyère, puis fait par le roi de France enfant d'honneur de sa maison, il était revenu au pays et avait épousé sa cousine Marguerite, fille d'Antoine de Gingin, président du conseil souverain de Savoie. Il avait peu de goût pour les prêtres, dont la conduite grossière et souvent immorale le blessait. Mais il s'effrayait à la pensée d'être infidèle à l'Église et à la féodalité, et après quelques hésitations, il se rattachait au catholicisme romain et au duc. Marguerite eut sans doute quelque part au changement qui s'opéra alors dans cette famille. Les dames des châteaux valaient en général mieux que leurs époux, elles étaient plus accessibles qu'eux aux impressions religieuses. Pendant que le châtelain allait courir les tournois ou les expéditions guerrières, la femme restait maîtresse du manoir, dirigeait ses enfants, ses serviteurs, et souvent se développait en elle des vertus que l'on eût vainement cherchées ailleurs. Un fils parlant de sa mère décrit sa beauté, son visage toujours tranquille, son regard vertueux, son parler rare, sa modestie, sa crainte de Dieu, sa charité, son front armé d'une chasteté sévère. C'est ainsi qu'on aime à se représenter Marguerite de Gingin. Le jeune seigneur de Divonne aimait le voisinage de Genève, l'intelligence de ses habitants, et sans qu'il s'en rendît compte, la cause de la Réformation faisait quelques progrès dans son esprit. En 1548, il remit à ses fils ses quatre châteaux, Gingin, Divonne, le Châtelard et la Sarran, et se retira à Genève, où il resta jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi, dans sa personne, la paix fut conclue entre les redoutés gentilshommes du pays et la ville qu'ils avaient tant harcelée. Naguely, connaissant les bonnes dispositions du baron, ne brûla pas sa demeure et se contenta d'exiger de lui une rançon de 300 couronnes. Le mardi 1er février, deux syndics de Genève vinrent présenter au général Bernois les actions de grâce de la ville. Pendant qu'ils étaient en conférence avec lui, un bruit se fit entendre dans le château. Chacun prêta l'oreille. Le vieux abbé de Gingin, vicaire épiscopal de Genève, qui s'était retiré, nous l'avons vu, dans le Jura, en son couvent isolé de Bonmont, effrayé de l'approche de l'armée, troublé par le souvenir de sa vie licencieuse, se rappelant que les Suisses n'aimaient pas les mauvais prêtres, dont un grand nombre même était mort à Gingin, s'était réfugié à Divonne, dans le château fort de son neveu, où il se croyait à l'abri de tout mal. Il s'y tenait silencieusement, dans une cachette retirée, fort agité par la crainte qu'il avait que les Bernois ne vinssent à l'y découvrir. Des soldats qui visitaient par ordre tout le château le trouvèrent en effet et l'amenèrent plus mort que vif devant leur général. Celui-ci, ayant reproché vivement au seigneur de Divonne d'avoir violé leur convention, l'effroi du vieux pêcheur s'accrut. Mais il commença à respirer quand le général déclara qu'il se contenterait, pour le mettre en liberté, d'une rançon de 400 couronnes. Le pauvre abbé, quoique les terreurs de la mort fussent passées, ne se remit pourtant jamais de l'effroi dont il avait été saisi. Les troupes savoyardes, annoncées à Médicis par le comte de Chaland, n'avaient pas paru, et l'on en comprend la raison. En conséquence, le lendemain 2 février, Naguely, voyant qu'aucun ennemi ne se présentait pour l'empêcher d'entrer dans Genève, partagea ses soldats en trois corps. L'un devait soumettre le pays entre le Rhône et le Jura, jusqu'au fort de l'Écluse, dont il s'emparerait. L'autre devait se diriger sur Gex, prendre et brûler le château. Il partit lui-même pour Genève avec le reste de l'armée. Les Genevois attendaient avec grande impatience l'arrivée de leur libérateur. Le soleil éclairait de ses feux le plus beau des jours de Genève, les neiges qui couvraient la montagne étincelaient au loin, mais au pied, dans la plaine, se montraient des éclats de lumière qui ravissaient bien plus les Genevois. De deux lieues, dit Froment, ils voyaient reluire les armes, ce qui leur était une grande joie. Les plus jeunes courent à la rencontre de leur libérateur, et bientôt l'armée bernoise s'approche, et passe à travers la foule enthousiaste rangée des deux côtés de la route. Les chefs Naguely, Weingarten, Sirot, Diesbach, Graffenried venaient d'abord sur leurs coursiers, puis des bannerets, des conseillers, des prévôts, et d'autres membres des conseils de Berne. Enfin l'armée libératrice, 17 pièces d'artillerie, les compagnies de Neuchâtel, de Lausanne et d'autres localités vaudoises. Les Bernois franchissaient les portes de la cité, entraient dans Genève en faisant retentir de nouveau ses chants à la louange de Dieu. « Si tes peuples sont morts, Dieu les rend à la vie. Depuis 10 ans, le duc, superbe pharaon, comme aux rives d'une île, élevant le bâton, sur les bords du Léman tient Genève asservie, expirant pour la foi, sous sa verge de fer, elle pleure, haletante, et toujours poursuivie. Voici l'heure, Judas passe la mer. Sa voix retentissait le long de nos montagnes, ses grands cris de douleur fatiguaient nos échos, mais nul ne répondait. Insensible à ces mots, la Suisse sommeillait dans ses belles campagnes, nos rocs en ont tremblé, Berne a poussé son cri, ses armes du malheur sont toujours les compagnes, l'ours carnassier, l'ours seul s'est attendri. Oui, l'ours, le terrible ours est parti pour la guerre. Beau jour, jour de salut pour les enfants de Dieu. Jour de honte pour toi, jour de mort, jour de feu, qui va te consumer, ô prince téméraire. De ma douceur, ton crime a tari les trésors, ma voix jadis si tendre est la voix du tonnerre, et va te déchirer comme un remords. Ô Berne, si ton cœur savait se contrefaire, si ton cou se pliait, si tes accents mielleux disaient au roi qu'ils sont des demi-dieux, leur superbe palais t'offrirait leur salaire. Mais Christ est ton sauveur, sa croix est ton éclat. On te tourne le dos, te laisse solitaire, tu dois marcher toute seule au combat. Ne crains rien, l'avenir bénira ta mémoire. Depuis 11 soleils, tu dis vaincre ou mourir. Et quel fait merveilleux ton bras vient d'accomplir. Des princes, des cités ont subi ta victoire. Les châteaux sont brûlés, leurs créneaux sont détruits. On ne voit plus d'idoles et tous chantent ta gloire, une gloire pure comme le lys. Heureux le peuple saint vers qui Dieu veut descendre, qui sonde tous les jours le livre du Seigneur, dit au pape, va-t'en, vers Christ tourne son cœur, qui, rengainant son frère, se plaît à le suspendre, laisse Dieu tout guider par son sage pouvoir, partout à son amour ne cesse de s'attendre, soit au matin, soit à l'heure du soir. Genève recevait ses libérateurs de grande joie, dit un témoin oculaire, et répondait à leurs chants par des cris d'allégresse. Le chef barbare, envoyé contre les Huguenots pour les détruire, avait disparu. La bête fauve, après un rugissement, était retournée précipitamment dans sa tanière. Leur bien, leur liberté, leur foi, leur vie étaient sauvés. Émus de cette grande délivrance, les Genevois ne se contentaient pas d'exprimer aux Bernois leur gratitude. Ils regardaient plus haut. Ils savaient qu'une puissance souveraine, un amour infini, tient en ses mains les affaires de ce monde. C'était cette foi qui allait faire grandir la petite cité, et elle voulait l'exprimer. Le conseil s'étant assemblé, résolut de déposer dans les fastes de la République le témoignage de sa reconnaissance, et y fit écrire ces mots. La puissance de Dieu a confondu la présomption et la téméraire audace de nos ennemis. Froment lui-même, témoin de ces choses, écrivit dans ses gestes merveilleux ces paroles simples et touchantes. L'an 1536 et au mois de février, Genève fut délivrée de ses ennemis par la providence de Dieu.